Dire Straits sur RGM, presque 8h37, on parle anniversaire avec ceux qui sont nés un 5 mars 1936, naissance de Dean Stockwell, acteur américain connu pour son rôle de Hal dans la série Code Quantum, vu également dans les films Blue Velvet ou encore Le Flic de Beverly Hills de 1946, naissance de Love Amour qui fut meneuse de revue française, 1952, naissance d'Alan Clark, musicien britannique, claviériste du groupe Dire Straits, 1969, naissance d'MC Solar, chanteur français. 1970, naissance de John Frusciante, musicien américain du groupe Red Hot Chili Peppers de 1988 à 92, et il est revenu dans le groupe de 98 à 2009. Il a notamment joué sur le titre Californication, dont on écoute tout de suite un extrait. And if you want these kind of dreams, it's Californication. It's the edge of the world in all of Western civilization. The sun may rise in the east, at least it's settled in a final location. It's understood that Hollywood sells California. Voilà pour l'extrait donc des Red Hot Chili Peppers. Allez, on continue les anniversaires. 1971, naissance de Yuri Leventhal, acteur américain connu pour son rôle de Carl dans la série télé Gilmore Girls, vu également dans Alias ou encore Close to Home. 1974, naissance de Kevin Connolly, acteur américain vu dans Rocky V, N'oublie jamais dans le rôle de Finn, Ce que pensent les hommes, ou encore la série Entourage dans le rôle d'Eric Murphy. C'est également l'année de naissance de Mathieu Delormeau, animateur, chroniqueur, et producteur de télé français. C'est aussi l'année de naissance d'Eva Mendes, actrice américaine, vue dans Urban Legend 2 dans le rôle de Vanessa Valdeon, Fast and Furious 2 dans le rôle de Monica Fuentes, Il était une fois au Mexique, Desperado 2, Hitch, expert en séduction, dans le rôle de Sarah Mellas, Ghost Rider dans le rôle de Roxanne Simpson, ou encore Lost River dans le rôle de Kat. 1976, naissance de Shirley Bousquet, actrice française, vue dans la série télé Sous le soleil dans le rôle de Jeanne Bouvier, dans la série Caméra Café dans le rôle de Nancy, ainsi que dans le film dérivé de cette série Espace Détente, vu dans la série Victoire Bonneau dans le rôle de Valeria, ou encore Nos chers voisins, ou bien Scène de ménage, et vu au cinéma aussi dans Plan de table ou encore Paris à tout prix. 1980, naissance de Renan Luce, chanteur, auteur, compositeur français. 1989, naissance de Jake Lloyd, acteur américain connu pour avoir incarné Anakin Skywalker enfant dans Star Wars épisode 1 à la menace fantôme, sorti en 1999. En 2000, on apprenait le décès de Lolo Ferrari, actrice française. Et hier, nous avons appris le décès d'une des icônes des années 90, Luc Perry. Je vous avais parlé la semaine dernière qu'il avait été hospitalisé suite à un AVC. Et bien, malheureusement, suite à cet AVC, il est décédé hier à l'âge de 52 ans. Beaucoup de messages